الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد. Donc on continue, inshallah, ta'ala, l'explication du livre Al-Qawaid al-Muthla fi sifatillahi wa asma'i al-husna lil'allama al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. La dernière fois, nous avons expliqué Al-Qa'idat al-Sadisa, qui est la sixième règle et qui est la suivante: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف. Donc le Cheikh nous avait dit, lorsqu'on atteste, l'attestation c'est l'ithbat, lorsqu'on atteste les attributs d'Allah Azza wa Jal, il faut donc s'écarter de deux interdictions qui ont des conséquences énormes et néfastes par rapport à la croyance. La première, bien entendu, Fibab al-Asma wa Sifat, et plus particulièrement ici al-Sifat. La première qui est al-Tamthil, qui est al-Tamthil. Donc ce que l'on a expliqué la dernière fois, ce qu'on a détaillé à travers donc l'écrit du Shir, rahimahullah. Wa Thani, c'est ce qu'on va donc terminer d'étudier aujourd'hui pour compléter donc cette sixième règle. الثاني, donc la deuxième interdiction, et qui est التكييف. التكييف. Le cheikh nous dit, وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل, وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. Donc التكييف qu'on avait traduit par donner une explication au comment des attributs. On avait dit que takif, qui vient à la base du terme keifa, keifa, qui est comment, keifa, comment. Ici takif, qui vient donc du verbe kayafa, ou kayif. C'est-à-dire donc qu'il va donner une explication au comment d'une chose, de façon générale. Et ici, particulièrement takif, fi sifatillah, c'est-à-dire par rapport aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Il va nous dire, le shir, que celui qui va affirmer les attributs, al-muthbit, celui qui affirme donc les attributs, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va avoir une croyance. Cette croyance-là, c'est de donner l'explication du comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il dit, أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا, c'est-à-dire le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal est ainsi ou ainsi. Donc il va donner ici une explication au comment. Et il nous dit, le shir ici, قيد, c'est-à-dire ici une restriction par rapport à التكييف, من غير أن يقيدها بمماثل, c'est-à-dire lorsque la personne elle dit ou elle va donner une explication sur le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, il ne va pas ici se restreindre à spécifier une chose qui va être donc similaire à Allah Azza wa Jal. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre al-tamthil et al-takif ici. Al-tamthil, c'est le fait donc que la personne donne une ressemblance à Allah Azza wa Jal parmi ses créatures. Pour ce qui est de al-takif, il ne donne pas forcément une ressemblance par rapport à une créature, mais il va donner une explication par rapport au comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, sans donc qu'il se restreigne à donner une similitude ou quelque chose qui est similaire parmi les créatures à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une différence qu'il y a à faire. Et il nous dit, le shir, wa hadha i'tiqadun batil, et bien entendu c'est une croyance qui est fausse, totalement fausse, qui est contraire à la croyance de la sunna et du consensus, car at-takif, on a, il nous est interdit, strictement interdit, de donner donc une explication et d'attribuer un comment aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Cela nous est strictement interdit. Et le cheikh va nous donner les preuves par rapport à cela. Que ce soit des preuves qui reposent sur les textes, que ce soit du Coran et de la Sunna, particulièrement ici, ce sera du Coran, ou l'aql, c'est-à-dire le raisonnement. Il va nous dire, amma sam' fa minhu qawluhu ta'ala wa la yuhituna bihi ilma wa qawluhu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا بعلم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. Donc ici le cheikh nous dit, en nous rapportant les preuves du Coran, le premier verset qui est le suivant, alors que même ne le cernent pas de science. Wala yuhituna bihi ilma. Les gens, les créatures, les gens, le cernent de science, de par leur science, Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yuhituna bihi. Ici, ce qui est en question, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yuhituna bihi ilma. Abdamir ya'ud ilallah bihi. Wala yuhituna bihi ilma. Donc, comme va nous dire le cheikh, si nous n'avons pas de science, ou si nous ne cernons pas Allah Azzawajal de par notre science, comment donc peut-on donner une explication au comment des attributs? Donc nous n'avons aucune science par rapport au comment des attributs de notre Seigneur. C'est pour ça que dans le deuxième verset qu'il a cité, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. » C'est-à-dire, ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, ce dont tu n'as science. Ne parle pas de ce dont tu n'as aucune science. Et comme il l'a dit le cheikh, nous n'avons aucune science du comment des attributs de notre Seigneur. Et pourquoi cela? Pourquoi nous affirmons cela? Car si on regarde dans le Coran et si on regarde dans la Sunna, jamais il y a un texte qui est venu nous mettre en évidence le comment des attributs d'Allah. Abadan. On a dans le Coran et la Sunna l'ithbat, on a l'attestation de ses noms et de ses attributs. Et plus particulièrement aussi des attributs d'Allah Azzawajal. Mais jamais il n'est venu à aucun moment un texte qui viendra spécifier le comment des attributs d'Allah Azzawajal, que ce soit un attribut ou que ce soit plusieurs attributs. Et il nous a dit également, le cheikh, qu'Allah Azzawajal ne nous a pas donc informé du comment de cela. Donc si on essaye de donner une explication au comment des attributs d'Allah Azzawajal, automatiquement, comme il est venu dans le verset, on va suivre ce dont on n'a aucune science. Wa amal aql, pour ce qui est de la raison, que la deuxième méthode d'argumentation, il nous dit le shir, فَلِأَنَّ الشَّيْءَ لَا تُعَرَفُ كَيْفِيَةُ صِفَةِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَةِ ذَاتِ أَوْ الْعِلْمِ بِنَظِيرِهِ الْمُسَاوِي لَهُ أَوْ بِالْخَبَرِ الصَّادِقِ عَنْهُ وَكُلُّ هَذِهِ الطُّرُقِ مُنْتَفِيَةٌ فِي كَيْفِيَةِ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَبَ بُطْلَانُ تَكْيِيفِهَا. Ici, le shir va nous dire de par notre raison qu'on ne peut donner l'explication, l'interprétation du comment d'un attribut de façon générale uniquement après avoir eu la science du comment de son entité, de son essence. Donc ça c'est la première chose. Si la personne, elle n'a pas science de l'entité d'une chose de façon générale, comment peut-elle avoir science de ses attributs qui sont propres à cette chose? De même ici pour Allah Azzawajal. L'homme, il n'a aucune science pour ce qui est de l'entité d'Allah Azzawajal, l'essence d'Allah. Est-ce que le Coran, est-ce que la Sunna nous a informé de cela? Comment était l'entité d'Allah? Comment était l'essence d'Allah Azzawajal? Est-ce qu'on a un verset? On a ce qu'on a? Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu nous expliquer le comment de l'entité d'Allah Azzawajal, là, si on n'a aucune science par rapport à cela, comment peut-on avoir une science pour ce qui est de ses attributs, c'est-à-dire bien entendu du comment de ses attributs. Et bien entendu, le kalam fi sifat far'un an al kalam fi dhat, c'est-à-dire parler sur les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est en réalité une branche par rapport au fait de parler sur l'entité d'Allah Azza wa Jal. C'est une branche, lorsqu'on parle, lorsqu'on a un discours sur les attributs, c'est en réalité far, une branche, un corollaire du discours sur l'être. Car l'essence divine, c'est l'as, c'est l'origine. Tayyib, ça c'est la première chose. Donc déjà, cette première supposition, elle est annulée pour ce qui est d'Allah Azza wa Jal, car on nous connaît son entité. Il nous dit le shir pour ce qui est de la deuxième. On est bien entendu toujours dans l'argumentation par la raison. Aul ilm bi nadhirihi al musawi lahu. C'est-à-dire que avoir science de ce qui ressemblerait à Allah Azza wa Jal. Et de même ici, c'est quelque chose qui est strictement impossible, car rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal, comme on l'a expliqué auparavant. Si rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal, comment on pourrait donc avoir une science de ce qui ressemblerait à Allah Azza wa Jal pour ensuite faire une corrélation entre Allah et ce qui lui ressemble. Donc rien ne lui ressemble, donc on ne peut faire également cela. Et ensuite la troisième voie qui nous permettrait de connaître cela, أو بالخبر الصادق عنه, ou alors une information qui nous serait venue. Donc ici ça revient bien entendu une information prise du Coran ou de la Sunna. De même, nous avons, comme on l'a dit auparavant, aucune information dans le Coran et dans la Sunna qui vient nous préciser le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc à partir de là également, cela est faussé, cela donc est rejeté. Et comme il nous dit le shir, toutes ces voies là elles sont niées pour ce qui est bien entendu de connaître le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc il est de notre devoir, et le devoir de tout musulman, de rendre faux celui qui viendrait et qui interpréterait, ou alors qui nous donnerait l'explication sur le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et comme on avait vu, et on y reviendra par rapport à la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, c'est que al-salaf, lorsqu'on parle de takyif, ou lorsqu'on parle plus précisément de Al-Kaifiya, les salafs, ils n'ont pas renié Al-Kaifiya, c'est-à-dire le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, par rapport à ses attributs, ils ont un comment. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, comment il s'est élevé sur son trône. Allah Azza wa Jal, comment il descend au ciel de cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jal, comment il se met en colère, etc. Cela existe bien, ce comment-là. Comme existent ces attributs mêmes. Mais pour ce qui est, nous, de notre science et de notre raison, cela, on ne peut y parvenir. C'est-à-dire, on ne peut parvenir à la connaissance de cela, du comment des attributs, on ne peut y parvenir. Donc, à partir de là, Nanfi, c'est-à-dire qu'on va donc renier le fait de donner l'interprétation du comment des attributs et l'explication du comment des attributs, mais nous ne refutons pas le fait qu'Allah Azza wa Jal a un comment par rapport à ses attributs. Ça, c'est une différence qui est fondamentale à connaître. C'est pour ça qu'on reverra lorsque l'imam Malik, il nous a dit wal kayf ghayru ma'qul, c'est-à-dire le comment par rapport, bien entendu, à l'istiwa, à l'arche. Le comment, il n'est pas raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir connaissance de cela de par notre raison. C'est strictement impossible. Donc ça voulait dire, de par cette phrase de l'imam Malik, que l'imam Malik, il a renié cela, mais il n'a pas renié que l'attribut en lui-même, il a un kayf. Parce qu'il a dit wal kayf, c'est-à-dire le comment, il est bel et bien présent. Mais nous, on ne peut le savoir. C'est-à-dire, réel ou marcoul, on ne peut le savoir. De par la raison qu'on a, de par la capacité intellectuelle que l'on a, il nous est strictement impossible de parvenir à la connaissance du comment des attributs. Ensuite, le shir dit, rahimullah, wa aida, fa inna naqul, C'est-à-dire, il va nous poser une question ici, le cheikh, pour nous faire prendre encore plus conscience de cette interdiction, qui est le fait de donner l'explication du comment des attributs d'Allah Azzawajal. Il nous dit, ayu kayfiyatin tuqaddiru li sifatillahi ta'ala. C'est-à-dire, de quelle manière tu vas déterminer le comment des attributs d'Allah Azzawajal. Comment tu vas donc le déterminer? Il va nous dire, inna ayya kayfiyatin tuqaddiru fi dhihnik, fallahu a'zamu ajalu min dhalik. Et la réponse est la suivante. C'est-à-dire, quoi que tu puisses déterminer de par ta propre raison, fi dhihnik, فَاللَّهُ أَعْظَمُ وَأَجَلُ مِنْ ذَلِكِ. Allah Azza wa Jal sera plus grand. Allah Azza wa Jal sera plus noble que cela. Subhanahu. Donc quoi que tu puisses t'imaginer, quoi que tu puisses déterminer pour ce qui concerne le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, فَاللَّهُ il sera plus grand que cela. Allah Azza wa Jal أجل, sera plus noble, plus grand que cela, plus majestueux, subhanahu wa ta'ala. Wa ayu kayfiyatin tuqaddiru li sifati Allah ta'ala fa innaka satakunu kadiban fiha. Et donc, quoi que tu puisses déterminer pour ce qui est des attributs d'Allah Azza wa Jalla, tu seras donc un menteur par rapport à cela. Il va nous donner l'explication. Et lorsqu'on dit fallahu a'zamu wa ajal, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla est bien entendu plus grand, c'est fi ma'na Allahu akbar. Ça fi ma'na Allahu akbar, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla est le plus grand. Il est le plus grand de toutes choses, tout ce que l'on pourrait s'imaginer, tout ce que l'on pourrait déterminer de par notre propre raison, Allah Azza wa Jalla est plus grand que cela. Et donc c'est una ma'na, Allahu Akbar. C'est dans ce sens que l'on comprend ces termes, Allahu Akbar. Et va nous dire le shir, parce qu'il nous a dit qu'on serait donc ainsi des menteurs, لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَكَ بِذَلِكَ, parce que tu n'as aucune science de cela, comme on l'a vu donc auparavant. Et nous dit le shir, وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالحنان أو تقريرا باللسان أو تحريلا بالبنان. Donc il convient à ce moment-là de s'abstenir de parler sur le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. On ne peut donc parler de ces choses-là, que ce soit de par notre langue, c'est-à-dire en parler de par notre langue, ou alors de l'écrire de par nos doigts, ou alors de l'estimer de par nos cœurs. Tout cela, que ce soit donc dans notre propre intérieur, ou que ce soit dans notre extérieur, que cela apparaisse sur notre langue, ou alors par nos doigts lorsqu'on écrit, tout cela, donc on doit s'abstenir d'aborder ce sujet-là. Car cela nous est donc interdit, comme nous l'a dit le chien dans sa règle. Donc le premier c'est Tamfil, et le deuxième est Takif. Il va ici nous rapporter la parole, cette fameuse parole que l'on rappelle de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, un des grands imams de l'islam, qui fait partie bien entendu d'un des imams parmi les quatre écoles de jurisprudence connues en islam, al-madhahib al-arba'a. Il va nous dire, وَلِهَذَا لَمَّا سُوِلَ مَالِكِ رَحِمَهُ ta'ala عَنْ قَوْلِهِ ta'ala الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Alors que l'imam Malik était dans une de ses assises scientifique, alors qu'il enseignait les gens, une personne est rentrée, s'est assis, et ensuite lui a posé une question à l'imam Malik par rapport à ce verset, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Donc, le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Kaifa istawa. Donc, il lui a posé cette question, Kaifa. Donc, on voit bien ici Kaifa, qui est en relation avec le terme Takif. Kaifa istawa, c'est-à-dire comment il s'est établi sur son trône, Allah Azza wa Jal. Atraqa rahimullah bi ra'sihi hatta alaw ar-ruhada, c'est-à-dire l'arq. Donc l'imam Malik, il en a transpiré cette question-là. Parce qu'on lui a posé cette question, kayfa istawa. Il en a transpiré hatta alaw ar-ruhada, c'est-à-dire l'arq. Thumma qala al-istiwa'u ghayru majhul wal kayf ghayru ma'qul wal iman bihi wajib was su'al 'anhu bid'ah. L'imam Malik, de par ces quelques phrases, donc, il va poser ici le minhaj des salaf, la voie, la méthode des pieux prédécesseurs pour ce qui est de la compréhension des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et plus particulièrement ici, al-istiwa. Et on fait analogie de par cette règle à tous les autres donc attributs. Il nous dit l'istiwa ghayru majhul, c'est-à-dire donc sifa al-istiwa ghayru majhul, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est, que l'on ne connaît pas. Et pourquoi cela? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous l'a informé dans son Coran. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a ignoré. Wal-kayf ghayru ma'qul. Wal-kayf ghayru ma'qul. Et ensuite il nous a dit donc que le comment de cet attribut à l'istiwa est inconcevable par rapport bien entendu à notre raisonnement. C'est quelque chose qui est inconcevable par rapport à nous. Wal-imanu bihi wajib. Et on doit y croire, c'est-à-dire notre croyance par rapport à cela est une obligation. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Et bien entendu, demander par rapport à ses attributs, par ce comment, كيف, c'est quelque chose qui est une innovation. Pourquoi une innovation? Parce que jamais un des sahaba, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement c'était clair pour eux les textes qui venaient du Coran, de la Sunna concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et que jamais dans le Coran il nous est venu donc l'explication du comment les attributs d'Allah. Si c'était quelque chose que l'on pouvait concevoir, si c'était quelque chose qui nous était permis de connaître, alors cela serait apparu. Ce n'aurait pas été considéré pour ce qui est donc de la question, comme une innovation. Et vu que cela est inconcevable, et vu qu'il nous est strictement impossible, et donc interdit, de rentrer dans ce domaine-là, le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, le fait donc de poser la question à ce sujet-là, c'est une innovation. Et nous dit le Cheikh, c'est-à-dire également, cette parole de l'imam Malik, c'était rapporté de son Cheikh, Rabi'a, donc il l'a rapporté de lui, et d'autres salaf encore. Et il nous dit le shirk, وَقَدْ مَشَى أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَهُمَا عَلَى هَذَا الْمِيزَانِ. Comme on a dit, le mizan, cette balance, en réalité cette règle, لِأَنَّهُ صَارَ قَاعِدًا, c'est donc devenu donc une règle. Une règle qui était présente chez les salafs, parmi les compagnons, ceux qui les ont ensuite suivis, jusqu'à l'imam Malik, mais qui était mis, on va dire, au clair et en évidence de par ces quelques paroles. Et ensuite il dit وَإِذَا كَانَ الْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَلَمْ يَلِدْ بِيَ الشَّرْعُ فَقَدْ انْتَفَ عَنْهُ الدَّلِيلَانِ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ فَوَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ. Donc il nous dit le shir, si الكيف n'est pas concevable par rapport à notre raisonnement et que la législation n'est pas venue avec cela, c'est-à-dire ne nous a pas rapporté des textes qui traitent du comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, alors à ce moment-là, pour ce qui est de preuves, que ce soit donc par la raison ou alors par la législation, al-aqli ou al-shar'i, elles sont donc annulées, c'est-à-dire qu'elles sont non présentes. Et donc à partir de là, on doit automatiquement, wajab al-kafaran, on doit automatiquement donc s'abstenir de parler de ce sujet-là. Car on n'aura aucune preuve, que ce soit de par notre raison et que ce soit de par notre législation. Ensuite, le shir dit فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته إنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منه لا تستطيع الخلاص منه وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغات فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Et si jamais le diable t'incite donc à agir autrement, parenthèse, alors cherche refuge auprès d'Allah. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم. C'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. En dernier lieu, il fait donc ici un rappel, il met en garde pour ce qui est de comprendre ou d'essayer de comprendre ou essayer d'expliquer le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, et même d'essayer cela. Il nous dit que la personne qui va donc faire cela ou qui va tenter de faire cela, alors il s'est mis sur un terrain dangereux et il ne pourra en sortir. A'yadan billah. Et si le diable il jette cela dans ton cœur, c'est-à-dire que quand tu penses et que le diable intervient et agit sur ton cœur en jetant des waswas, etc., pour que tu t'essayes de comprendre ou t'essayes de réfléchir même sur le comment des attributs d'Allah Azzawajal, alors à ce moment-là, reviens à ton Seigneur. C'est-à-dire invoque Allah Azzawajal à ce moment-là. Rappelle-toi d'Allah Azzawajal et invoque-le. Et demande protection contre le diable. Falja ila rabbik fa'inu mu'avik. C'est-à-dire donc, c'est lui qui est ton protecteur. Et accomplis ce qu'il t'a ordonné. Car il est également ton guérisseur. Allah Azzawajal, c'est lui. Aw yaqul waf'al ma amaraka bihi fa'inu tabibuk. Ensuite, le shir, il va passer à la dernière règle pour ce qui concerne les attributs d'Allah Azzawajal. Cette règle-là, c'est la suivante, et qui est en réalité la même règle que l'on a vue pour ce qui est des noms d'Allah Azzawajal. Pourquoi le shir, il la répète ici? Parce que c'est important, c'est fondamental, pour ce qui est également des attributs, pour pas qu'il y ait une confusion, et que cela est aussi bien valable pour les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Et la deuxième raison également, c'est que le shir, à travers donc l'exposition de cette dernière règle, il va mettre en évidence comment on va connaître les attributs d'Allah Azzawajal. Quelles sont donc les voies pour connaître les attributs d'Allah Azzawajal? Il nous dit Al-Qa'idatu Sabi'a Sifatullahi Ta'ala Tawqifiyya La Majala Lil'Aql Fiha Fala Nuthbitu Lillahi Ta'ala Min As-Sifati Illa Ma Dalla Al-Kitabu Wa Sunnatu Ala Thubuti Qala Al-Imam Ahmad Rahimullahu Ta'ala لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. Donc bien entendu, le cheikh nous dit ici de revenir à la cinquième règle pour ce qui concernait les règles des noms, car on a vu que c'est ici la même origine, la même règle. C'est-à-dire que les attributs d'Allah Azzawajal, on ne peut les connaître uniquement par l'unique voie du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tawqifiyya. Donc on s'arrête à ces textes-là, et qu'il n'y a donc aucune place à notre raison. On ne peut connaître donc les attributs d'Allah Azzawajal ici par notre raison. La majal al-aql fiha. Et donc on doit, pour attester un attribut d'Allah Azzawajal, revenir soit au Coran, soit à la sunna. On s'arrête donc à cela. Natawaqqaf ala hadhihi an-nusus. Il va nous rapporter une parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui est la suivante. On ne peut qualifier Allah qu'avec ce dont il s'est qualifié. La yusafullahu illa bima wasafa bi nafsa. Ou ce dont le messager l'a qualifié. A wasafa bi rasulu. Wa la yutajawaz al Qur'an wa al hadith. C'est-à-dire qu'on ne peut aller au-delà du Qur'an et de la sunnah. Pour ce qui est donc de l'attestation des attributs d'Allah Azzawajal. Demain donc pour ce qui était des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, il va nous donner les trois façons, les trois manières ou les trois voies pour ce qui est de parvenir à la connaissance des attributs d'Allah Azzawajal. Il nous dit وَلِدِلَالَةِ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الصِّفَاتِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهُ. Donc elles sont de trois. La première, الْأَوَّلُ التَّصْرِيحُ بِالصِّفَاتِ, c'est-à-dire la déclaration explicite de l'attribut, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Sunna. Donc c'est une déclaration, تَصْرِيحُ. Tasriyah, quelque chose d'évident, qui vient dans un verset du Coran, ou dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, al-izzah, comme par exemple, al-quwwa, wal-rahma, wal-badj, wal-wajj, wal-yadayn, et d'autres encore. Pour ce qui est de al-izzah, comme dans le verset du Coran, fa-inna al-izzata lillahi jami'a. Pour ce qui est de al-quwwa, également le verset, inna Allah wal-razzaq, dhul-quwwa, dhul-quwwa. Pour ce qui est de Ar-Rahma, également le verset Wa Rabbuka al-Ghafur dhu-Rahma. Pour ce qui est de Al-Wajj, Yabqa wajhu Rabbika dhu-Jalali wal-Ikram. Et pour ce qui est de Al-Yadain, également le verset Bal Yadahu mabsutatan. Donc tous des versets qu'on a déjà vus auparavant. Ça donc, c'est des attributs qui sont exposés de façon claire, explicite. Ensuite, Thani, Tadammana al-Ism laha, mithl al-Ghafur, mutadammin al-Maghfira. Et également donc pour ce qui est donc de la deuxième voie ici, c'est tout simplement que lorsqu'on a un nom, comme on l'a vu dans la troisième règle parmi les règles des noms d'Allah Azzawajal, lorsqu'on a un nom, on sait qu'il contient automatiquement un attribut. C'est systématique. Donc Al-Ghafour, titre d'exemple, il comprend donc l'attribut de Al-Maghfira. Pour ce qui est de As-Sami, il comprend l'attribut de As-Sam, etc. Comme on l'a vu donc auparavant. Ça, c'est la deuxième voie. Ensuite, la troisième voie, Thalith, At-Tasrihu bi-fi'li, A-Wasfi, Dalun alayha kalistiwa. Kalistiwa al-Arsh, Wal-Nuzul ila Samaï dunya, Wal-Maji, للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب قوله تعالى. طيب, donc le cheikh, pour ce qui est de la troisième voie, il va nous dire l'exposition également de manière claire et explicite d'un acte d'Allah Azzawajal ou d'une description. Il va nous donner donc des exemples. On va reprendre directement les preuves qu'il nous a donné le cheikh, comme le verset Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Donc ici istawa, c'est un fi'l, c'est-à-dire c'est un verbe. Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Istawa, c'est un fi'l, c'est-à-dire un acte d'Allah Azzawajal. Donc on prend de ce fi'l ici donc l'attribut al-istiwa. On prend donc de ce fi'l l'attribut al-sifa al-istiwa. Tayyib. De même pour ce qui est de la parole du prophète Soussan, yanzilu rabbuna ila samaa'id dunya. Donc ici al-nuzul, on prend donc de l'acte d'Allah Azzawajal ici yanzil al-sifa, l'attribut qui est An-Nuzul. Donc An-Nuzul, c'est pris donc du fi'l, ici An-Zilu, donc de l'acte d'Allah Azzawajal, que l'on retrouve dans le verbe exprimé par le prophète sallam ici, An-Zilu Rabbuna ila sama'id dunya. Notre Seigneur descend au premier ciel. Et ensuite, pour ce qui est de Al-Maji, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, c'est-à-dire donc, pour ce qui est de ce verset, on a ici un fi'l, encore. Ici encore un fi'l, donc un verbe. Et donc un acte d'Allah Azzawajal. Waja'a rabbuka. Donc ton Seigneur est venu. Donc ici c'est la venue. Donc on prend du terme Ja'a al-Maji. Al-Maji donc qui est ici as-sifa. Taïb, ça c'est pour le fi'l. Et pour ce qui est du dernier, ce sera un wasf. Wa qawluhu, inna min al-mujrimina muntaqimun. Inna min al-mujrimina muntaqimun. Donc ici muntaqimun. C'est donc al-intiqam. Al-intiqam que l'on prend ici de al-was, de la description. Ici, c'est pour ce qui est du dernier exemple, al-was, muntaqimun. Et on sait que al-intiqam, c'est bien entendu ici muqayyad. C'est donc restreint par rapport siyaq al-aya, par rapport donc à l'exposition du verset, comme il est venu et comme on l'a déjà expliqué, ce qui comprenait donc les règles des noms d'Allah Azzawajal. Donc ici, muntaqimun. Donc c'est ce qui nous a donné le shirk comme exemple. Et qui est la troisième voie ici. On peut rajouter également une quatrième. On en rajoute également une quatrième, en plus de ce que nous a dit le shir, et qui est tiré de ce qu'il nous a lui expliqué, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il nous a parlé donc des attributs, et que les attributs étaient divisés en ce qui est attesté et ce qui est renié ou nié. Tayyib. Et à partir de là, pour ce qui est de la quatrième voie que l'on rajoute, en plus de ce que nous a dit le shir, c'est que chaque attribut qui va être nié à propos d'Allah Azzawajal, qui rentre donc dans les sifat al-manfiya, les attributs donc reniés dans le droit d'Allah Azzawajal, lorsqu'on va retrouver un de ces attributs, comme par exemple, laysa bidhallam lil'abid, donc il ne fait pas injustice, ou il n'est pas injuste envers ses créatures, comme on a vu, lorsqu'on a un attribut de cette sorte-là qui est nié, ça veut tout simplement dire, parmi les règles qu'on a vues précédemment, que l'on va attester son contraire. Et ici, attester son contraire, pour ce qui est de al-dhulm, c'est bien entendu al-nufbit kamal adlihi, que l'on donc atteste la perfection de sa justice. Donc on va affirmer sa justice. Donc on va prendre de ces versets-là, de tous les versets, qui contiennent des attributs nier des attributs qui sont donc rejetés dans le droit d'Allah Azzawajal, on va en tirer son contraire. Parce qu'on avait vu, par rapport aux règles, qu'il n'y a pas un attribut qui est nié dans le droit d'Allah Azzawajal sans que on atteste son contraire. Et la démonstration qu'on avait fait, l'explication qu'on avait fait par rapport à cela, c'est déjà passé, on n'y revient pas dessus. Pour ce qui est de cet exemple-là, le fait qu'Allah renie le dhulm dans son droit, renie l'injustice, ça nous permet donc d'en tirer l'attribut de Al-Adl, l'attribut de la justice. Donc c'est une quatrième voie pour connaître ici également les attributs d'Allah Azza wa Jal. Taïb, et si on posait une question maintenant, on a vu qu'il y avait trois voies, ou quatre voies plus précisément pour ce qui est des noms, pour ce qui est des attributs d'Allah Azza wa Jal. Pour ce qui est des noms, ça revient en fait à At-Tasrih bil Asma, sah? At-Tasrih bil Asma. Le cheikh nous avait dit dans la première, pour ce qui est des attributs, At-Tasrih bil Sifa, comme Al-Izza ou Al-Quwa ou Al-Rahma. Ici, c'est de même pour ce qui est des noms, c'est-à-dire qu'on ne peut connaître le nom que bit-tasrih, dhikrihi, fi al-Qur'an ou fi sunnah. Comme par exemple Al-Rahman, comme par exemple Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, etc. En vérité, il n'y a qu'une seule voie. Et ça nous permet également de voir encore une fois que Bab As-Sifa Awsah min Bab Al-Asma, que le chapitre des noms d'Allah Azzawajal, ou parfois le chapitre des attributs d'Allah Azzawajal est bien plus grand que le chapitre des noms d'Allah Azzawajal. Ensuite, le Shir, après avoir terminé pour ce qui concerne les règles des attributs d'Allah Azzawajal, il va entamer un troisième chapitre où il va réunir les noms et les attributs ici. Il va parler des règles pour ce qui est des preuves des noms et des attributs. C'est-à-dire, quelles vont être donc les règles qui vont nous permettre de donner des preuves sous plusieurs aspects concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il a nommé ce chapitre Qawa'id fi adillati al-asma'i wa sifat. Donc des règles dans l'argumentation des noms et des attributs. Ou alors des règles concernant les preuves des noms et des attributs. Donc on va voir ici plusieurs règles, et à travers ce que va nous dire le chien, on va plus comprendre en détail ce qu'il a voulu par ce chapitre. Il va nous dire à la première règle, Al-Qa'idatu Ula, Al-Adillatu, Allati Tuthbatu Biha Asma'ullahi Ta'ala, Wa Sifatuhu Ya Kitabullahi Ta'ala, Wa Sunnatu Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fala Tuthbatu Asma'ullahi Wa Sifatuhu Bighayrihima. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي والنفي فيه. Donc ici va nous dire pour ce qui est donc des preuves concernant les noms et les attributs, pour ce qui est de cette première règle, Al-Adillatu, c'est-à-dire les preuves qui vont nous permettre d'attester les noms d'Allah Azzawajal ou alors les attributs d'Allah Azzawajal, et qui sont bien entendu le livre d'Allah, Kitabullah, et qui sont la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit qu'on ne peut les attester que par ces deux sources, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas par d'autres source. Ça revient en fait aux règles qu'on a vues précédemment, que ce soit dans les noms et les attributs, celles qu'on a vues dernièrement, et qui sont que les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, tawqifiyya, donc ils s'arrêtent une nusus. Mais ici le chef va nous expliquer à travers cette règle une chose qui va être fondamentale et qui va nous permettre de faire beaucoup de différence dans les termes qui sont utilisés lorsqu'on parle d'Allah Azzawajal, ou lorsqu'on parle des sifat d'Allah Azzawajal, les attributs d'Allah Azzawajal, ou alors les termes qui sont employés par ceux qui ne font pas partie des gens de la sunna et du consensus, comme Al-Mutakallimun et les autres. Il va nous dire donc le shir ici qu'on va avoir trois cas. C'est-à-dire que si maintenant une personne vient avec un nom et un attribut, que ce nom ou attribut, il est présent dans le Coran et la sunna. Donc on a vu sa présence pour ce qui est des noms, une seule voie. Et pour ce qui est des attributs, trois voies, même quatre voies. Et le shir, il l'a cité lorsqu'il a parlé, donc, lorsqu'il a dit ma ithbati kamali dhiddi, yani fi ma ta'alaq bin nafi. Taïb. Donc, pour ce qui est de al-ithbat, on va donc les prendre pour ce qui est des noms d'une seule voie. Pour ce qui est des attributs, de quatre voies. Pour ce qui est de nafi, le fait de renier un nom ou un attribut d'Allah Azzawajal, on va également les prendre du Coran ou de la Sunna. C'est-à-dire, si Allah Azzawajal s'arrête fi à titre d'exemple, les sifat al-manfiya. Si maintenant Allah Azzawajal yanfi, c'est-à-dire il renie de lui un attribut, alors il faut que ça soit pris du Coran ou de la Sunna. Pour ce qui est de renier, pour ce qui est donc ici de renier, et bien entendu, comme on l'avait expliqué, c'est-à-dire donc tout en attestant le contraire de cet attribut qui a été renié et qui va considérer ici son opposé, qui est ici la perfection, qui sera donc la perfection du contraire de cette négation. Ensuite, le shirk, et c'est ici le troisième point qui va être fondamental et très important. Ça va être un troisième cas, un terme qui va être utilisé dans le droit d'Allah Azzawajal, mais dont on ne va pas trouver son affirmation, son attestation dans le Coran ou la Sunna, et on ne va pas également trouver sa négation dans le Coran. C'est-à-dire ce terme-là qu'on a utilisé dans le droit d'Allah Azzawajal, on ne trouve rien qui va affirmer cela dans le Coran ou la Sunna, et on ne trouve rien qui va renier cela. Donc ce ne sera pas un nom comme, à titre d'exemple, Al-Jalil. Ce nom, il est attesté dans le Coran. Donc ça rentre dans cette catégorie. À titre d'exemple, pour ce qui est de Sifat, Al-Nawm, le sommeil. Ça rentre dans cette catégorie parce qu'il a bien renié cet attribut. Dans le droit d'Allah, il a bel et bien été renié dans le Coran. Donc, ces deux exemples ne rentrent pas dans la dernière règle ou dans la dernière catégorie. Ce sont bel et bien donc des termes qui sont utilisés dans le droit d'Allah Azzawajal et qui ne rentrent pas dans la première catégorie qui est l'ifbet, ou qui ne rentrent pas dans la deuxième catégorie qui est le nafi. Taïb, l'attestation donc, ou la négation. Quel va être ici le minhaj à avoir? Quelle va être la méthode à emprunter par rapport à ce terme qui a été dit par une personne pour ce qui est d'Allah Azzawajal, que ce soit dans une description ou autre? Il va nous dire le shir, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter par rapport à son terme. On ne va pas l'attribuer à Allah Azzawajal, mais on ne va pas le renier par rapport à Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été attribué dans le Coran, et ça n'a pas été aussi renié dans le Coran ou la Sunna. Taïb, non, natawakkaf. Ici, c'est un terme, c'est un point qui est important, tawakkuf. Comme il nous dit le shir, wajaba tawakkuf, fi lafzi, fala yuthbat, wala yunfa, li adam wurud al-ithbat wa nafi fi. Comme on vient de l'expliquer. Wa amma ma'nahu fa yufassal fi. Donc, on a le terme en lui-même, on l'a dit, on l'atteste pas, on ne le renie pas. On pourrait dire pourquoi on ne renie pas s'il n'est pas attesté dans le Coran et dans la Sunna. Parce qu'Allah, il ne l'a pas renié. Donc, s'il ne l'a pas renié, quelle est la science qu'on a à nous que ce terme il est renié dans le droit d'Allah Azzawajal? On ne sait pas. On n'a pas de science par rapport à ça. Donc, on ne peut pas le renier également. On va donner des exemples. Avec les exemples, ça deviendra plus clair. Donc, on a le terme. Ensuite, on a le sens de ce terme-là. Donc, pour ce qui est de l'av, natawakaf, c'est-à-dire on ne l'atteste pas et on ne le renie pas dans le droit d'Allah Azzawajal. Il reste maintenant sa marna, son sens. À partir de là, son sens, on va en demander l'explication. La personne qui a dit ce terme-là, qu'est-ce qu'il a voulu dire par ce terme? Quel va être le sens pour lui de ce terme-là? C'est donc un sens qui va être bon, en conformité avec les règles, alors on l'accepte. Si c'est le contraire, on va le rejeter, le sens. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, « Amma ma'anahu fayufassal fi ». Donc pour ce qui est de son sens, on va ici donner une explication. On va détailler. Il nous dit فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ حَقٌ يَلِقُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مَقْبُولٌ. Si on veut par là donc un droit, si on veut quelque chose qui est vrai et qui est propre à Allah Azzawajal, c'est-à-dire qui يَلِقُ بِاللَّهِ, qui est propre à Allah Subhanahu wa Ta'ala, alors on accepte فَهُوَ حَقٌ. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَعْنَى لَا يَلِقُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَبَ رَدُّهُ. C'est-à-dire que si maintenant on veut, de par ce terme, un sens qui n'est pas propre à Allah Azzawajal, qui ne correspond pas à Allah Azzawajal, alors on doit obligatoirement le rejeter. Ça c'est al-minhaj, ça c'est la voie que l'on doit avoir. Donc ce terme il nous est parvenu. Le terme en lui-même, on n'accepte pas comme étant parmi les noms et les attributs, mais on ne le renie pas non plus, sachant qu'on n'a pas de science par rapport à ce terme. Ensuite, la deuxième étape, on pense à son sens. Quel va être son sens? Qu'est-ce qu'on veut par ce terme-là? Si c'est un sens qui est batil, qui est faux, qui n'est pas, qui ne correspond pas à Allah Azza wa Jal, on rejette. Si c'est le contraire, s'il correspond à Allah subhanahu wa ta'ala, qui correspond donc dans le sens à ce qui va en droit d'Allah Azza wa Jal, par rapport donc à ses noms et ses attributs autres, alors on l'accepte. Et il nous dit donc le shirk. Ensuite, il va nous donner des exemples. Donc nous, on a déjà donné les exemples. On va quand même le lire. On a donné l'exemple lorsqu'on a expliqué cette règle-là. فَمِمَّا وَرَدَ إِثْبَاتُ لِلَّهِ تَعَالَى كُلُّ صِفَاتٍ دَلَّ عَلَيْهَا إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى دِلَالَةُ مُتَابَقَةٍ وَتَضَمُّنَ وَالْتِزَامٍ. Donc on avait déjà expliqué, on sait que tout attribut d'Allah Azza wa Jal qui est compris dans un des noms d'Allah Azza wa Jal, que ce soit بِالْمُتَابَقَةٍ وَتَضَمُّنَ وَالْتِزَامٍ. Tous ces termes on a déjà expliqué, donc on revient aux règles auparavant. Donc si on trouve un ifbat, c'est-à-dire une attestation dans le droit d'Allah Azza wa Jal, dans le Coran ou la Sunna, à travers donc les voies qu'on avait également citées, alors à ce moment-là, on les accepte. Tayyib. Il nous dit donc le shir, وَمِنْهُ كُلُّ صِفَاتٍ دَلَّ عَلَيْهَا فِعْلٌ مِنْ أَفْعَالِهِ كَالِاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ. Également, comme on a vu précédemment, tous les attributs qui sont indiqués par les actes d'Allah Azza wa Jal, donc ce qu'on a vu auparavant. Comme par exemple, Al-Majid, Al-Istiwa, Al-Arsh, Al-Nuzul, Al-Sama, Al-Dunya, Al-Fasl, ou Al-Majid, Al-Fasl, Bayna Ibadi, Al-Qiyama, etc. Tayyib. Et nous dit le shir, bien entendu, tous ces actes d'Allah Azza wa Jal, la tursa, c'est-à-dire qu'on ne peut les dénombrer, tellement ils sont nombreux, par rapport à leur catégorie. Alors que dire par rapport à leur unité. Et nous cite le verset, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَى. Et Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. وَمِنْهُ الْوَجْهُ وَالْعَيْنَيْنِ. Également donc parmi ces attributs que l'on atteste, qu'ils ont attesté dans le Coran et la Sunna, الْوَجْهُ الْعَيْنَيْنِ الْإِرَادَةُ بِقِسْمَيْهَا. C'est-à-dire de par ces deux, ici le shir veut dire de par ces deux catégories. الْإِرَادَة, il le divise donc le shir en deux catégories. Que ce soit الْكَوْنِي وَالشَّرْعِي فَالْكَوْنِيَ بِمَعْنَى الْمَشِيَةِ وَالشَّرْعِيَ بِمَعْنَى الْمَحَبَّةِ. Donc pour ce qui est de الْكَوْنِي, c'est tout ce qui va exister, tout ce qui existe. Donc ça, on l'avait déjà vu par rapport à l'irada. On l'avait également vu pour ce qui concerne al-qadar. Donc pour ce qui est de al-kouni, pour ce qui est également de al-shari. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, pour ce qui est de sa volonté qui se divise en deux volontés, al-kouni ou al-shari. Donc celle qui va être dite générale, celle qui va être dite universelle, il rentre dedans toute chose qui a existé, qui existera, ça rentre dans cette irada, ça rentre dans cette volonté. Même donc le kufr du kafir, ça rentre dans cette volonté. Par contre, il l'appelle le shirk bimarna al-mashia. Il l'appelle le shirk bimarna al-mashia, c'est-à-dire dans la signification de al-mashia. Donc pour lui, le shirk al-mashia wa akhas. Akhas min al-irada wa al-iradatul kawniya. Et la deuxième qui est al-shari'a bimarna al-mahabba. Donc al-shari'a bimarna al-mahabba. Donc al-shari'a, al-iradatul shari'a, la volonté qui est dite, elle, législative, c'est celle que l'on peut traduire par l'amour. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il veut ce qu'il aime par rapport à sa législation. C'est-à-dire donc qu'il veut de l'homme qu'il lui obéit. Donc il aime qu'il lui obéit, Allah Azza wa Jal. Et ainsi de suite. Donc il rentre bien entendu à l'irada akhas. C'est une volonté qui est bien plus spécifique par rapport à la deuxième. Et il ne rentre dedans que ce que Allah Azza wa Jalla aime. Il ne rentre dedans, à titre d'exemple, que les obéissances, que la croyance, etc. Ça, c'est des exemples qu'il nous a donné le shir, il y en a plusieurs donc, pour ce qui est de ce qui rentre dans l'ithbat. Pour ce qui est de al-nafi, comme il avait dit le shir, وَمِمَّا وَرَدَ نَفْلُهُ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَا لِانْتِفَائِهِ وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد etc. Donc, comme on l'a dit, à titre d'exemple la mort, à titre d'exemple النوم, le sommeil, العجز, l'incapacité, tout ça, ce sont des attributs qui sont venus dans le Coran ou dans la Sunna, mais qui sont venus manfiya, dont Allah Azza wa Jalla a renié cela, et on va donc attribuer leur contraire. Comme à l'exemple de al-maut, on va attribuer à ce moment-là Hayatul al-Kamila, c'est-à-dire la vie d'Allah Azza wa Jal qui est parfaite. La vie d'Allah Azza wa Jal qui est parfaite. Donc on revient ici, lorsqu'on avait expliqué dernièrement la quatrième voie pour connaître les attributs d'Allah Azza wa Jalla. On voit bien ici que le shirk, il y revient. Il y revient à ce moment-là. Donc elle rentrait bien dans une quatrième voie. Ensuite, et c'est ce qui va être très important ici, c'est pour ce qui est de la troisième catégorie. Lorsque on ne sait pas, on a de science par rapport à ce love. C'est-à-dire, on ne peut l'attribuer à Allah Azza wa Jalla, on peut le renier dans le droit d'Allah Azza wa Jalla, car cela n'est pas venu dans le Coran ou la Sunna. Il va nous donner l'exemple. وَمِمَّا لَمْ يَرِدْ إِثْبَاتُ وَلَا نَفْلُهُ لَفْضَ الْجِهَةِ Al-jihah, c'est-à-dire la direction. Al-jihatu, la direction. Donc on sait que des gens sont venus et ont employé des termes par rapport à Allah Azza wa Jalla, comme Al-Mutakalimun et d'autres. Et de par ces termes-là, à titre d'exemple Al-jihah, ils ont voulu eux un sens. Mais comme on l'a dit, la première étape, c'est de regarder ce terme Al-jihah. Al-jihah, est-ce que Al-jihah, la direction, ce terme en arabe Al-jihah, la direction, est-ce que c'est venu dans le Coran et la Sunna? C'est pas venu dans le Coran et la Sunna. Ça, donc ça rentre bel et bien dans la troisième catégorie. C'est-à-dire qu'on n'atteste pas cela dans le droit d'Allah Azza wa Jalla, mais on ne refute pas également cela dans le droit d'Allah Azza wa Jalla. Taïb. فَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ هَلْ نُثْبِتْ لِلَّهِ تَعَلَى جِهَا. Donc si une personne demande, est-ce que nous attestons dans le droit d'Allah Azza wa Jalla la direction, al-jihah, qu'on a l'ordre du jihah, lam yarid fil kitab wa sunnah ithbatan wa la nafyan. Donc comment l'expliquer? وَيُغْنِ عَنْهُمَ ثَبَتَ فِيهِمَا مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى فِي السَّمَاءِ وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَإِمَّا أَنْ يُرَادُ بِهِ جِهَةُ سُفْلٍ أَوْ جِهَةُ عُلُوٍ تُحِيطُ بِاللَّهِ أَوْ جِهَةٌ عُلُوٍ لَا تُحِيطُ بِهِ. Donc le chef va nous dire ici, la première étape, comme il nous a dit, ce n'est pas rapporté dans le Coran et dans la Sunna. À titre de complément, il nous a dit, on a quelque chose qui est bien mieux que ce love-là, et qui est lui rapporté dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le Coran également, c'est qu'Allah Azza wa Jalla fi sama, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla est dans le ciel. Et lorsqu'il dit donc dans le ciel, fi sama, bien entendu les significations ala sama, c'est-à-dire au-dessus, bien entendu, ça nous donne, c'est bien et bien une direction. C'est bel et bien donc une direction. Une jihad. C'est bel et bien une direction au-dessus. Mais c'est le terme qui était employé pour ce qui est d'Allah Azza wa Jalla. Dans le Coran et la Sunna, fi sama, c'est-à-dire dans les cieux, et bimarna, au-dessus des cieux. Donc pour ce qui est du terme jihad, nous, ce terme-là, on ne l'utilise pas en réalité, parce qu'on a quelque chose qui est plus clair, car il est venu dans le Coran et la Sunna. Par contre, maintenant, vu qu'on ne l'atteste pas, on ne le renie pas, on va regarder qu'est-ce que l'on veut par rapport, c'est la deuxième étape, qu'est-ce qu'on veut par rapport à ce love, par rapport à ce terme. Il nous dit, il va nous donner donc trois cas. C'est-à-dire que l'on veut, il y a trois possibilités, qu'on le veut donc la direction qui est celle d'en dessous. Et il va nous dire, فَالْأَوَّلْ بَاطِلٌ. Bien entendu, c'est complètement faux. لِمُنَافَاتِهِ لِعُلُوِ اللَّهِ تَعَالَى الثَّابِتْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Ce qui est complètement contraire à ce qui est attesté par Allah Azza wa Jalla de par son ulu, de par donc son élévation. Que ce soit dans le Coran et la Sunna, également de par l'aql, le fitra ou l'ijma', que ce soit également de par la raison, que ce soit de par la sainte nature, que ce soit également par le consensus des savants. Ensuite, أَوْ جَاتُ عُلُوِنْ تُحِيطُ بِاللَّهِ الثَّانِ بَاطِلٍ. C'est-à-dire que l'on veut une direction qui serait donc en haut, mais qui serait au-dessus d'Allah Azza wa Jalla. تُحِيطُ بِاللَّهِ. C'est également quelque chose qui est strictement interdit. وَبَاطِلٍ. Il faut dans le droit d'Allah. لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla est bien plus immense, bien plus grand, subhanahu wa ta'ala, que d'avoir donc plus grand que si une chose venait au-dessus de lui. Ou alors, Allah Azza wa Jalla est bien plus grand que cela, subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose également qui est faux et qui est également en contradiction totale avec Al-Ulu, l'élévation d'Allah Azza wa Jalla. Et ensuite, la troisième, أَوْ جِيَةُ عُلُوِنْ لَا تُحِيطُ بِهِ. C'est-à-dire, si on veut, par donc la troisième possibilité qu'il y a, on veut par Al-Jiya, c'est qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus, et que rien n'est au-dessus de lui. Et donc il est au-dessus, et élevé au-dessus de toute chose. Donc de par cette direction. Si on veut par là cela, il nous dit, le shirk, وَالثَّالِثُ حَقٌّ يَنَّ اللَّهَ تَعَالَى الْعَلِي فَوْقَ خَلْقِهِ وَلَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ. Et Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus. Al-Ali, il est celui qui est au-dessus. Il est celui qui est élevé. Au-dessus de ses créatures. et rien n'est au-dessus de lui, subhanahu wa ta'ala, parmi ses créatures. Également, وَدَلِيلُ هَذِي الْقَاعِدَ السَّمْعُ وَالْعَقْلِ. Il nous dit également, la preuve de cette règle que l'on vient de donner, c'est السَّمْعُ وَالْعَقْلِ, également, donc les textes, que ce soit du Coran et de la Sunna, également notre raisonnement. طيب. Ensuite, le Cheikh va nous donner donc, pour ce qui est de السَّمْعُ, des preuves, également par rapport à l'aql. On va s'arrêter ici, inshallah, et on continuera, bi-idhnillahi ta'ala, ce vendredi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.